Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Allô? C'est Björk. T'as lu les journaux? Je sais. Elle a réapparu. Ça fait plus d'une semaine qu'on cherche à mettre la main sur une fille qui ne devra pas passer inaperçue pourtant. Elle écrit des pages et des pages de formules mathématiques. Des maths? Va falloir se bouger. Bonjour. Je voudrais parler à Paolo Roberto. Paolo! Ouais. Il y a quelqu'un pour toi. Il faut qu'on trouve Lisbeth avant qu'un flic la descende. Et on fait comment? Il existe un rapport de police embarrassant daté de février 91 qui me concerne. Tu dois les envoyer chaque mois. Je le trouve nulle part. Les autres dossiers sont dans la maison de campagne. Ta gueule. Miguel. Miguel, je suis pas innocente. Tu sais à quoi ça me fait penser, tout ça? Non. À la police secrète. C'est ça là qui compte. Et un géant blond. C'est lui la clé. Je vais te dire une chose, Boublanski. Je vais prouver que Lisbeth Salander est innocente. Et je vais trouver le vrai meurtrier. Neuvième épisode. Allô? Salut Björk, c'est Blomqvist. Vous avez vu l'heure? J'ai une info qui va t'intéresser. Demain à 10h, je fais une conférence de presse sur les meurtres de Dag et de Mia. J'ai bien envie de parler de toi. J'ai respecté le contrat. Je vous ai parlé de ça là. Oui, que des trucs que je savais déjà. Tu me prends pour un con. Je vous avais demandé du temps pour la suite. Et je t'ai donné jusqu'au week-end de Pâques, tu te souviens? Demain, on est mardi. Alors soit tu parles, soit ton nom fait la une des journaux. Si vous faites ça, vous saurez jamais rien sur ça là. Et toi, tu devras répondre à la police. Donnez-moi jusqu'à mercredi. D'accord, mercredi. Dernier délai. Qu'est-ce que c'est? Salut. Pas. J'ai pas l'intention de te pendre. Pas pour le moment. La corde, c'est juste pour que tu restes bien droit, que tu mouffes pas. J'ai trouvé ton flingue. Et puis ça aussi. Je comprends pas cette manie que vous avez de garder des souvenirs de vos saloperies. C'est qui sur cette photo? Inès Yamouyarville, estonienne? Tu t'es bien amusé avec elle, hein? Tu sais qui je suis, Sandström. Hoche la tête. Alors tu sais que je suis cinglée et que j'adore tuer. Surtout les hommes. Et toi, tu sais ce que t'es? Un porc sadique. Un salaud. Un violeur. Si t'es sage, que tu gueules pas, que tu réponds bien à mes questions, je te laisse vivre. Sinon, je t'envoie une décharge. Et tu sais ce qui va se passer. Tes muscles ne fonctionneront plus. Tes jambes vont lâcher, tu t'étrangleras avec la corde. Compris ? Ah ! Je veux pas mourir ! Chut ! J'aurais dû préciser. Tu me parles uniquement quand je te le dis, d'accord ? Première question. Qu'est-ce que tu faisais chez Inès Yamouyarvi en janvier 2003 ? Je la voulais. Elle était belle. Tu la voulais ? Elle avait 16 ans. Et donc parce que tu la voulais, tu pouvais l'attacher dans son lit et la baiser ? Elle était d'accord, je le jure. Tu l'as payée ? Non. C'était une pute. En général, on les paye, les putes. C'était un cadeau. Un cadeau ? Oui. En échange d'un service que j'avais rendu à quelqu'un. Quel service et à qui ? J'avais fait entrer en Suède des stéroïdes anabolisants. Pour un copain, Harry Ranta. Et suite ? Harry a un frère, Atto Ranta, un Mac. À mon retour, il m'a dit qu'il avait besoin de filer une correction à une de ses filles. Elle lui obéissait pas assez. Alors vous êtes allé chez elle et t'as commencé à la violer. C'est Atto qui l'a attachée. Moi, j'ai juste fait l'amour avec elle. Non ! Tu l'as violée ! Et après, t'as continué à lui rendre visite, comme un gros porc que t'es. Je l'aimais, et ça lui plaisait. Tais-toi ! Tu te fous de ma gueule ? Ok, ok, je la violais. Harry et Atto m'avaient donné la permission pour la dresser. Tu les as payés ? Juste 2 ou 3 000, un prix d'amis. Qui est le chef de cette bande ? Si je le dis, ils vont me tuer. Si tu le dis pas, c'est moi qui te tue. Atto, c'est le chef, l'aîné. Harry, c'est l'homme de terrain. Sylvia, la nana d'Atto, participait aussi, c'est une pute. Il y avait aussi un mec qu'ils appellent Hall quelque chose. Un toxico qui rendait des services. Qui est celle-là ? Je sais pas. Fais un effort. T'en as assez de vivre ? Je te jure ! Le journaliste que tu as tué, Dag Svensson, il m'a demandé la même chose. Réponds. J'ai parlé au téléphone à quelqu'un qui s'appelait Salah. Mais juste une fois, une minute. À quelle occasion ? Atto voulait que je retourne à Tallinn pour amener une bagnole bourrée d'amphétamines. J'ai pas voulu. Pourquoi ? Je voulais me sortir de ces conneries. Mais Atto a insisté. C'est un malade, ce type. Il m'a dit que si j'obéissais pas, ils allaient me tuer. T'as pas de bol ? Tout le monde t'en veut ? Ils m'ont emmené de force dans une sorte d'entrepôt. J'avais un sac sur la tête pendant tout le trajet. Quand ils m'ont enlevé le sac, j'étais devant un mec ligoté par terre. Il avait tabassé à mort. Tu le connaissais ? Non. J'ai su après qu'il s'appelait Gustafsson. Il y avait aussi un type blond avec eux. Très grand, très musclé. Je le connais. Qui d'autre ? Un gros avec une queue de cheval. Atto m'a dit que le mec par terre était une balance. Le blond l'a soulevé et l'a assis sur une chaise en face de moi. Il s'est mis derrière lui et lui a cassé la nuque avec ses mains. Ça fait un bruit horrible. Ah ! Il est mort. Il est mort devant mes yeux. Arrête de chialer. Continue. Le mec à la queue de cheval a pris une tronçonneuse. Il a coupé la tête et les mains du gars. Après, le géant blond a pris ma nuque dans ses mains, sans serrer, Et Atom a collé son téléphone contre mon oreille en disant que Salah voulait me parler. Il t'a dit quoi, Salah ? Que je devais obéir à Atto. J'ai promis d'aller chercher la voiture à Tallinn. Tout ça, tu l'as raconté à Dex Svensson ? Plus ou moins. Il savait pour les putes. Pour Salah, j'ai rien dit, je pouvais pas. Tu l'as vu combien de fois, Svensson ? 2 fois. T'en as parlé à quelqu'un ? À Harry Ranta. Je l'ai appelé. Quand ? Après la première visite de Svensson. Tu devrais crever pour ce que t'as fait, Inès. Mais t'as répondu à mes questions. Et je tiens toujours mes promesses. Je vais couper la corde. Tu te démerdes pour le reste. Et j'emmène ton flingue. Toranta, citoyen finlandais d'origine estonienne. Arrivé en Suède en 71. 78. 7 mois de prison pour vol sur chantier. Viré pour ivresse. Viré. 87. 1 mois de prison pour vol de voiture. Détention illégale d'armes à feu en 88. Coups et blessures en 92. Joli casier. Le frangin maintenant. Harry Ranta arrive en Suède en 82. 3 condamnations. 2 ans ferme en 92. Expulsé en Finlande. Retour en Suède en 96. Nouvelle condamnation. Génial. Il y a même les adresses. Michael, c'est Roberto. Elle répond pas au téléphone, je suis devant chez elle depuis 2 heures. Là. Je t'entends très mal, hein. Tu lui as laissé un message ? Y a pas de répondeur. Attends, y a quelqu'un qui arrive, je me demande si c'est pas elle. Allô ? Je t'entends mal. Allô ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Merde ! C'est elle vient de se faire enlever, je te rappelle. C'est un grand blond costaud qui l'a embarqué dans une camionnette blanche. Hein ? J'entends rien, répète ! Un grand blond, je te dis. Michael ! Michael, tu m'entends ? Fais chier. Putain de batterie. Allô ? Allô ? Eh merde. Paolo Roberto, laissez votre message. Merde. Paolo ? Non, c'est Malou. Ah, excuse-moi, j'attendais un appel. Désolée de t'appeler si tard. J'ai trouvé un truc qui va t'intéresser. Burman. Tu m'avais dit de fouiller dans son passé. Et ? Il a démarré sa carrière professionnelle au cabinet Klang et Rennes en 78. Après, en 89, il a ouvert son propre cabinet. Mais avant, juste après son diplôme en 76, il a travaillé pendant 2 ans comme juriste à la Direction Générale de la Police Nationale. Devine dans quel service ? Dis. À la Brigade des étrangers de la CEPO. Il instruisait les affaires juridiques. Répète-moi ça. Il a travaillé à la police secrète en même temps que ton Björk. Ils ont forcément collaboré. Quel enfoiré. Il s'est bien gardé de me le dire. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ? Allez, viens. Viens par là. Non ! Qu'est-ce que vous voulez ? Attends. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je t'écoute. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce qu'elle se cache ? Mais putain, mais de qui vous parlez ? Putain ! De Lisbeth Salander, connasse ! Va te faire foutre ! Si j'étais toi, je serais un peu plus gentille. Pas facile, hein, de se relever avec les mains attachées dans le dos. Bravo, tu as réussi. Tu veux te battre ? C'est que tu es drôle, toi. Je fais de la banque tout le temps ! Même pas mal. Je vais t'expliquer un truc. Je suis pas foutu comme les autres. La douleur, je la sens pas. Il paraît que c'est une anomalie génétique. Et toi ? Eh ben non. T'as mal comme tout le monde. C'est con, hein ? Sers de ça. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 9e épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blankvist, Quentin Bayot, Gunnar Björk, Jérôme Chapat, Sandström, Reda Kateb, Paolo Roberto, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Jochen Hegele, Ronald Niedermann. Et la voix de Netta Landau.